marche dans la trop grande ville. La solitude qui te sépare devant tous ces gens qui défilent. Vers lui aucun ne tend ses bras. Au milieu de la multitude, sait-il seulement ce qu'il fait là? Dans ce dédale de rue grise, le trompe-l'œil sans surprise, il va et nul ne le voit. Des bars à musique, ce n'est pas là, état éthylique, ce n'est pas sa femme nous est offerte, ce n'est pas moi, mon masque croyant chic, je n'en suis pas, fumé onirique, ça me passera, soirée pathétique, très peu pour moi, une vie pseudo-frique. Pourquoi tout ça, hôtel idyllique, ça ne va pas. Il sent sa peau qui sous la ruine, froide lui pèse à chaque pas. Voit-il bien que ce qui le mine n'est peut-être pas là où il croit. Des bars à musique, ce n'est pas là, état éthylique, ce n'est pas sa femme nous est offert, ce n'est pas moi, mon as croyant chic, je n'en suis pas, fumé onirique, ça me passera, soirée pathétique, très peu pour moi, une vie pseudo-frique, pourquoi tout ça, hôtel idyllique, ça ne va pas. Comprend-il bien que cette boule, c'est en lui qu'il la trouvera, ne cherche plus dans cette foule. La réponse n'existe qu'en toi. La réponse n'existe qu'en toi.